Joker avec notre ami Dominique Bolduc. Ça parle, ça avance pas mal dans l'entourage des Marquis. Deux belles victoires, mais il y a les nouvelles concernant Francis Véropol, également Bob Desjardins qui pourrait se retrouver à Laval. On en parle avec Dominique. Salut Dominique! Dominique, avant de parler des nouvelles qui entourent les Marquis de Jonquière, on va y aller avec deux belles victoires des Marquis en fin de semaine. Oui, exactement, deux belles victoires. La première rencontre contre les Hurricanes de Trois-Noirs, les Marquis se devaient de l'emporter absolument. Les Hurricanes sont toujours à la recherche d'un premier gain. L'attaque qui a bien fonctionné, 9 buts qui ont été marqués, seulement un seul d'accordé, donc ça a vraiment bien fonctionné. Le match qui était vraiment surveillé, c'était lui de dimanche contre les Prédateurs de Laval. Prédateurs, une équipe qui allait bien jusqu'à le début du week-end, la démission de Serge Forcier. On mangeait une volée de 11-4 contre Tetfermans, donc on savait pas quelle équipe on allait affronter. Finalement, c'était un match assez intense où les Marquis l'ont emporté 4-1. Un match qui a été bourré de punitions des deux côtés. Et finalement, ce sont les Marquis qui en sont sortis victorieux. 4 points, premier week-end parfait de la saison. Faire en sorte que les Marquis sont en première position. Il y a une grosse rivalité avec Laval. Hein? Corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas les Morissette qui sont les propriétaires à Laval. Non, ce sont des hommes d'affaires de la place. C'est plus les Morissette. Le seul Morissette qui est encore impliqué dans cette ligue-là, ouais. C'est Yogi Morissette qui est avec la formation de Saint-Georges. Des hommes d'affaires de la place, de Laval. On ne connaît pas vraiment les noms, mais c'est une organisation qui a un peu de misère parce que c'est quand même pas évident. Seulement 655 spectateurs dimanche. On veut revivre un peu l'époque des Chiefs, mais la ligue a beaucoup changé. Puis je pense que ça va un peu n'importe comment. OK. Je t'écoutais avec Michel parler à Max Bradette vendredi, puis il parlait de Richard Martel. C'est pas sérieux, ça, là? Okay. Je pense pas, non. On dit qu'on a peut-être entré en contact avec lui, mais je pense pas que Richard soit vraiment intéressé à aller coacher du côté de Laval. Peut-être qu'il a été contacté, ça se peut, mais je suis pas sûr que Richard a l'intention d'aller à Laval. Je pense qu'il y a d'autres intentions. Je pense qu'il y a toujours l'intention de revenir dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec ou il y a d'autres projets en Europe. Et je pense que pour le bien de Richard et pour sa carrière, que la Ligue nord-américaine. Tu parlais des Prédateurs de Laval, Michel Tifot, ton collègue, a sorti une nouvelle, Bob Desjardins à Laval. Est-ce que c'est sérieux, ça? Il a été rencontré, il a eu une entrevue avec les Prédateurs. À savoir maintenant, est-ce que ça l'intéresse? Ben, c'est sûr que lorsqu'il était à Cornwall l'an dernier, même Saint-Georges, s'ennuyait de la place. C'est un gars de Jonquière. Il est installé à Jonquière depuis déjà 5-6 ans. Le fait de travailler à 5 minutes de chez lui, c'est je pense qu'il va faire penser dans balance. C'est sûr qu'il a écouté. Le coaching, ça l'intéresse toujours, mais je pense que pour lui, le meilleur pour lui, okay. C'est de demeurer. Francis Véropol, maintenant. On sait qu'il a été très populaire avec les Saguenay-Chicoutimi. C'est Marc Diquet, d'ailleurs, de Radio X, je pense qu'il est sorti en premier la nouvelle. Francis Véropol, qui jouait dans la East Coast. Où en est rendu ce dossier-là? Ce matin, c'est dans le quotidien, on disait que c'était positif, mais est-ce que Francis, entre positif puis porter l'uniforme des Marquis, il y a un monde, là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de bonnes chances que Francis se retrouve avec les Marquis? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, puis plus vite qu'on pense. En ce moment, Francis a voulu tester l'Europe, ça n'a pas fait. Du côté de la East Coast, il n'y a pas eu d'offre non plus. Et de plus en plus, les Québécois s'intéressent à la ligne nord-américaine parce que, t'as un salaire, mais que tu peux également travailler ou aller à l'école la semaine. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être considéré par Francis Véropol. La rencontre hier, on dit qu'elle a été très positive. Il a contacté les Marquis parce qu'il se disait intéressé, alors que lors des autres années, ne semblait pas du tout intéressé par la ligne nord-américaine. Mais là, il a contacté les Marquis parce qu'il se disait intéressé à joindre l'équipe. Donc déjà là, c'est un gros plus. La rencontre hier, apparemment, qui a été très positive. Donc je serais pas surpris qu'on voit Francis Véropol, peut-être pas ce week-end. L'Europe, c'est pas une option pour lui? Il pensait avoir une offre du côté de la France. Finalement, ça n'a pas fait. Et là, tranquillement, pas vite, la saison avance beaucoup là, du côté de l'Europe. On est rendu novembre, donc les portes qui se ferment de plus en plus. Il y a moins d'équipes du côté de l'EKHL, donc c'est plus difficile pour les joueurs étrangers de trouver une place en Europe. Donc, je pense que la dernière possibilité pour Francis, c'est Jonquière. Dominique, on se parle demain sur les ondes de CKJ. Dominique Bolduc de CKJ.